Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence Histoire, archéologie et histoire vivante, amis ou ennemis, avec l'auteur Jérémy Gracio, l'auteur Gontran Meunier, la sociologue Audrey Tuaillon de Mézy et le maître de conférence Laurent Di Filippo, dans le cadre de l'édition 2024 du Festival Les Imaginales. Donc, on va parler maintenant donc des rapports entre l'histoire, l'archéologie, l'histoire vivante. Alors, on va y revenir tout de suite, donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais on est très content, très heureux d'accueillir nos trois invités aujourd'hui pour cette table ronde. Je vais vous les présenter rapidement et puis ils nous diront, ils nous rajouteront peut-être des choses si nécessaire. Alors, il y a Jérémy Gracio qui est notamment responsable de recherche archéologique à l'INRAP, rattaché au centre archéologique de Ludres, et aussi président de l'association Sentier d'Histoire. Et donc Jérémy, il travaille régulièrement avec des lycées. Il utilise les objets, notamment en milieu scolaire, pour faire de la médiation avec des enfants et tout ça. Donc on est là dans le cadre d'événements de médiation. Donc c'est toujours intéressant à souligner aussi ces activités que nos invités font un peu à côté aussi. Ensuite, nous accueillons donc Gontran Meunier, qui est président de l'association Ordalie. Qui présente donc les peuples germaniques à la cour d'Attila au 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc, comme on reste dans la thématique des Germains, il est co-auteur du livre Les Germains de la conquête aux grandes migrations, et co-réalisateur de la chaîne YouTube Barbarians, spécialisée dans les Germains durant l'Antiquité. Était artisan à Darkassi. C'est la reproduction de facsimilés archéologiques. Voilà. Et notre troisième invité, donc Audrey Tuaillon de Mézy, que vous avez peut-être déjà entendu hier justement sur une présentation sur les costumes en reconstitution médiévale, et qui revient pour parler de tout ça. Donc je la représente quand même. Et donc docteur en sociologie, professeur en STAPS, responsable alors d'un projet de recherche qui s'appelle ION, financé par l'Agence nationale de la recherche sur l'imaginaire du temps dans les loisirs alternatifs. Et elle a travaillé notamment durant sa thèse sur l'histoire vivante, la reconstitution historique et les AMHE, donc les arts martiaux et historiques européens, pas se tromper dans l'ordre. Et depuis, elle travaille sur des sujets comme le punk, le quidditch et maintenant le jogger. Et donc tous les trois sont réunis, comme je vous disais, aujourd'hui pour nous parler de ces rapports. Alors on va voir quel type de rapport entre l'histoire, l'archéologie et l'histoire vivante. Alors, est-ce que c'est des rapports d'amitié, d'inimitié, hein? Vous avez vu le titre de la table ronde, amis ou ennemis. Alors, est-ce qu'on va avoir de la bagarre? Pour commencer, encore une fois, merci à tous d'être là. Et donc, pour commencer, une première question. Donc, on voit tous à peu près ce que c'est l'histoire. On en a fait tout ça à l'école. Hein? C'est une matière, du coup, qui est instituée. L'archéologie, c'est aussi une discipline universitaire qu'on connaît du coup peut-être un peu moins parce que ça on n'en fait pas depuis la tendance en France. Alors j'avais fait la blague, je le dis, tout le monde, parce que j'ai eu des réponses, il y en a marre avec ces clichés. Donc tout le monde a vu un jour un film d'Indiana Jones, hein, donc on sait tous que les archéologues, on fait de l'archéologie avec un fouet. Mais non, évidemment, ce n'est pas le cas, mais on va pouvoir en reparler. Qui est une discipline qu'on connaît aussi un petit peu. Par contre, l'histoire vivante, c'est peut-être un peu moins connu. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez revenir sur justement quelles sont les pratiques qui sont liées à l'histoire vivante? Merci, Laurent. Bah, vous compléterez, du coup. Alors, l'histoire vivante, moi, je vais vous donner un point de vue de sociologue, parce que je suis sociologue. Donc, ni un point de vue d'historienne, ni un point de vue d'archéologue. Donc, comme ça, moi, je fais un peu. Je reste hors du débat. Non, l'histoire vivante, en fait, le principe de l'histoire vivante, c'est de mettre en vie en fait des gestes à partir de traces laissées par le passé. Donc, ça peut être des gestes martiaux, si on pense donc aux arts martiaux historiques européens. Ça peut être des gestes techniques, si on pense à l'artisanat, la forge, la poterie, etc. Et l'histoire vivante, en fait, elle vise à mettre en vie, comme son nom l'indique, ces techniques corporelles issues du passé, donc des traces que le passé a pu laisser, qui sont mises en vie. Alors, on en discutera peut-être, mais l'histoire vivante, en fait, est une pratique principalement de loisirs. C'est pas de l'archéologie expérimentale. Donc je pense que ça, c'est important de le dire voilà, déjà. Pour peut-être qu'on dise un peu la différence hein, un moment entre les deux. C'est ça, mais je laisserai les collègues archéologues le faire. Mais donc c'est plutôt une pratique de loisirs. Ça n'empêche pas les pratiquants d'histoire vivante, donc que ce soit de la reconstitution historique ou des arts martiaux historiques, de s'appuyer sur des traces laissées, des sources laissées par le passé pour leur pratique de loisirs. Voilà, si vous voulez compléter. Jérémy, Gontran. Pas mieux pour le coup. On pourrait rajouter au niveau de l'histoire vivante aussi éventuellement tout ce qui est la partie, alors, comme on l'a dit, vraiment, il y a une partie de reconstitution pure et dure technique. Et il y a la reconstitution donc, en elle-même qui est un loisir. Et on va avoir vraiment deux ou plusieurs points de vue au niveau des reconstituteurs. On va avoir l'évocation historique, où là on va être vraiment dans la reproduction de costumes, mais sans aller chercher trop loin. Et puis, on va avoir aussi des démarches qui vont être beaucoup plus dans un cadre vraiment de recherche archéologique, de gestes métiers, de gestes techniques, comme Audrey l'a dit. Donc, c'est vraiment en fait plusieurs points vraiment dans la pratique de l'histoire vivante qui reste effectivement avant tout un loisir, qu'elle soit pratiquée par par des gens qui sont aussi archéologues, qui sont historiens ou des gens en fait tout le monde en fait qui peut pratiquer cette discipline-là hein, dans tous les cas. Ah, du coup, pour vous compléter, moi j'ajouterais que moi, l'histoire vivante, c'est pour partager, c'est émettre des hypothèses sur la fabrication de tel et tel objet, remonter la chaîne opératoire aussi, comme tu l'as dit. De toute façon, je ne pense pas qu'on parlera d'archéologie expérimentale, mais il n'y a pas d'archéologie expérimentale à 100%. Pourquoi ? Il est difficile de retrouver les matériaux de l'époque, leur pensée même ou ce qu'ils voulaient faire exactement. On a plein de biais, c'est-à-dire qu'on a notre éducation, on a nos savoirs, nos compétences, nos connaissances actuelles. Donc de toute façon, il y a plein de biais. Mais l'histoire vivante, pour moi, c'est replonger toutes les personnes, les enfants, quand on passe dans les lycées, les collèges, toutes les personnes qui viennent nous voir sur nos stands, c'est replonger, faire une capsule un peu temporelle, c'est-à-dire on imagine, on donne une évocation, comme je dis toujours, de... Alors moi, je travaille plutôt sur la vie, ou plutôt la période gauloise des premiers siècles avant Jésus-Christ, la fin de l'indépendance gauloise, comme je dis. Voilà, c'est de vous dire, voilà, ça ressemblait à ça, ça pouvait ressembler à ça, on peut toucher la matière, justement on a quelques casques avec nous, on a recréé un moulin rotatif en pierre, le fait de toucher, de voir comment ça marche, on ne dit pas que c'est forcément comme ça à 100%, ça ne sera jamais du 100%, en tout cas voilà, l'histoire vivante comme nous, outil pédagogique, essayer de comprendre un objet et puis partir de la découverte archéologique, puisque la plupart des objets que vous trouvez dans les musées, ils sont incomplets, ils sont cassés, parfois, on ne connaît pas leur utilité. Et c'est en se penchant dessus, en faisant les dessins, les photographies, qu'on commence à comprendre et à mettre en place une relation un peu intime avec l'objet. Et puis, la fabrication permet parfois d'apporter des réponses, parfois de se poser d'autres questions. Donc voilà, toute une démarche intéressante pour arriver à un objet à la fin qu'on vous présente et qui est plus complet possible. Et puis... compléter avec les sources historiques, avec l'iconographie, quand on en a. Alors pour les Gaulois, c'est compliqué, quoique on a quand même de la statuaire, des stèles. Mais en tout cas, voilà ma démarche, en tout cas à moi, dans ces projets que je mène, et puis les liens à avoir avec tout le monde. Quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Et donc Jérémy, bah, tu t'abordes un point qui est intéressant, c'est-à-dire que dans ces rapports justement entre les trois, on va dire les trois disciplines, on voit qu'ils peuvent se servir les unes des autres. Et là, tu nous parlais justement des rapports entre, enfin, l'histoire, l'archéologie. Comment ça peut servir l'histoire vivante? Est-ce qu'on peut aller un peu, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus justement ces liens-là, dans ce sens-là, puis on verra le lien dans l'autre sens après. Moi, du coup, je vais te donner une phrase que on m'a donnée à la fac. Il y a un prof qui m'a dit. Un historien n'est pas un archéologue. Par contre, l'archéologue, il est archéologue et historien. Puisqu'on travaille sur les sources antiques, et puis on a la fouille, on a la compréhension du terrain, et notamment les archéologues de ces dernières générations, où, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a de nouvelles sciences qui nous permettent d'aller encore plus loin quand on peut, ce que n'avaient pas les archéologues il y a plus d'un siècle, par exemple, ou quelques décennies, si on ne remonte pas si loin que ça. Donc voilà, mêler, mais comment, oui voilà, d'aller, voilà, je vous laisserai compléter les remarques. Moi je suis pas non plus, voilà, on en a discuté avec Gontran encore tout à l'heure. même si on passe au milieu universitaire, moi je suis passé à la fac de Strasbourg, et tant mieux, ça, j'en suis content, un bon parcours, mais je ne suis pas universitaire, je ne suis pas dans un labo. Moi j'essaye de faire un maximum. Je pense que là, la thématique, la table ronde, comme vous l'avez, vous l'avez intitulée, je ne sais pas qui avait trouvé l'intitulé, mais... On se demande. Mais amis ou ennemis, effectivement, moi j'aime pas ça, on voit ça comme conflit. Il n'y a pas forcément de conflit, puisque ce n'est pas forcément les mêmes mondes. Il y a les personnes qui, dans les universités, ont émis des hypothèses. Un chercheur, en général, il travaille sur un sujet donné quasiment tout au long de sa vie. Rares sont ceux qui changeront de route, d'hypothèse avec le temps. Moi, je pense qu'il le faut. On écrit quelque chose aujourd'hui, ça sera faux peut-être demain, et tant mieux, d'autres apporteront d'autres réponses. Et puis... on s'aperçoit aussi en faisant le lien que quand on suit les hypothèses, si on prend les bouquins, on dit, pour faire un objet en fer, on part de là, on part du minerai, on le réduit. Y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et l'histoire vivante permet déjà de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses. Et là-dessus, après, pour arriver à un objet fini, il y a parfois... pas qu'une chaîne opératoire, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Enfin voilà, j'exagère un peu, mais en tout cas, voilà mon point de vue et ce mélange entre les deux. Ah, je vais compléter les éléments que Jérémy donne là-dessus. En fait, au niveau de la reconstitution historique, derrière, on va avoir des mondes qui cohabitent avec l'archéologie et l'histoire, puisque de toute façon, en tant que reconstituteur, on a besoin de l'archéologie et de l'histoire, sinon on peut pas faire notre travail de vulgarisation, entre guillemets. C'est des mondes qui naviguent en parallèle, véritablement, en fait, des historiens et des archéologues, et qui vont se rencontrer sur des points bien précis. Et là, ça va plutôt être dans un cadre d'archéologie expérimentale, où les archéologues, les historiens ont besoin de confronter leurs sources avec... du palpable, du concret, du tangible, et c'est là effectivement que les reconstituteurs vont intervenir vraiment dans des travaux bien précis, sous réserve bien évidemment que vous ayez les compétences ou les domaines de compétences bien spécifiques qu'en fait que l'histoire va venir chercher auprès de gens qui ont ces pratiques là ou qui c'est une partie de leur métier, la taille de pierre, la forge, ce genre de choses. Donc c'est là où on va venir chercher les expérimentations sur des points souvent en fait très techniques, très précis. C'est-à-dire que les reconstituteurs reconstituent un ensemble, un schéma de pensée, ou on va dire une idée qu'on peut se faire d'une période à partir des sources historiques, de la documentation des historiens. Mais après, en fait, au niveau archéologique, on va travailler sur des points, sur des domaines bien précis de recréation de matériel en lien justement avec les historiens et les archéologues sur ces points-là. Sinon, après, voilà, c'est deux mondes en fait qui naviguent ensemble et qui se rencontrent de temps en temps au besoin, à moins bien évidemment que dans les associations de reconstitution, il y ait des archéologues ou des historiens, puisque là, à ce moment-là, ça permet de pousser les démarches quand même un peu plus... De manière un peu plus récurrente, si ce n'est sur des associations en fait, qui n'ont pas ces personnes-là en tant qu'adhérents ou membres directement. Oui, juste peut-être pour compléter, dire qu'il y a des gens qui sont des passeurs en fait, entre ces mondes. Je pense que tu l'as bien dit, on est sur des mondes finalement qui sont parallèles. Et on a des gens qui peuvent être des passeurs, effectivement des chercheurs qui peuvent faire partie d'associations de reconstitution ou à l'inverse. Hein. Mais, et ça se joue surtout aussi au niveau de l'humain. Il y a des associations qui n'ont pas de lien direct avec des archéologues ou des historiens. Il y en a d'autres qui sont en constante interaction. Donc c'est aussi, ouais, il y a des gens, ça passe aussi par des interactions de personnes. Si on repartait les mondes sociaux de Becker, c'est vraiment les acteurs qui circulent entre des mondes, en fait, et en fait, qui ont souvent plusieurs casquettes, qui du coup sont historiens. Donc, en fait, ouais, ils font pas ça par hasard, quoi. Il y a quand même un attrait pour cette matière-là. Et alors, parce que du coup, on a fait les trucs dans le désordre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, alors plus concrètement des types de pratiques, alors c'est-à-dire quand on fait de l'histoire vivante, alors on a parlé des costumes hier, mais il y a de la forge, il y a tout ça. Est-ce que vous voulez un petit peu nous parler des différentes pratiques qu'on va retrouver dans l'histoire vivante? Qu'est-ce qu'on fait plus concrètement du coup? Il y en a plein. Mais c'est bien, comme ça on a matière à discuter. Il y a plein, en fait il ne faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre par époque. Il y a des choses qui vont être faites par rapport à des époques qu'on va reconstituer avec des domaines qui vont être bien précis. Par exemple, si on prend les gens qui font de la reconstitution historique sur la Seconde Guerre mondiale, on est plutôt dans un devoir de mémoire à l'heure actuelle, véritablement, en plus du côté fun, la reconstitution, l'aspect, ben voilà, c'est une période que j'aime bien, ou ce genre de choses. Il y a quand même un devoir de mémoire qui est associé derrière. Quand on va faire du napoléonien, c'est pareil, c'est une période, l'Empire, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est une période qui est plus ou moins connotée en fonction de comment on la voit. Il y a quand même un espèce aussi de devoir de mémoire parce qu'il y a eu les guerres qui vont derrière, donc il y a quand même cet attrait-là. Quand on fait de la reconstitution sur l'époque antique ou sur l'époque médiévale, ça n'a rien à voir. On ne va pas reconstituer les mêmes éléments, on ne va pas reconstituer les mêmes choses, on va reconstituer soit des personnages, soit des thématiques de vie, soit de l'artisanat, du coup, parce que c'est ça qu'on va venir aussi chercher. Quand on est sur de l'antique, on est vraiment sur de l'hypothétique parce qu'on travaille avec des sources, donc on est un peu plus sur l'archéologie expérimentale véritablement, sur la partie pour le celte, le gallo-romain ou nous pour le germain, parce qu'on est obligé de s'appuyer sur des sources et de la documentation bien précise. Donc il y a vraiment en fait plusieurs pratiques de reconstitution dans la reconstitution, c'est pas quelque chose d'uniforme, et puis après en fait aussi c'est surtout ce que chacun y apporte. Vous adhérez à une période historique parce que vous avez un attrait pour cette période-là et donc vous y apportez vos compétences, vos qualifications, qu'elles soient professionnelles ou autres de votre vie, qui fait en fait que vous apportez ces éléments-là en plus des éléments de recherche que vous allez faire sur cette période-là, dans tous les cas. Si je peux compléter, pour la Deuxième Guerre, moi j'aurais quand même la question de savoir est-ce que c'est vraiment de la reconstitution, sachant que les objets la plupart du temps ne sont pas reconstitués, ce sont des objets d'époque. Donc on est aussi sur cette question-là. Il y a les deux. Il y a de la reconstitution quand même, et puis il y a effectivement ceux qui ont du matériel d'époque. Mais bon, il y a plus de reproduction de matériel véritablement que ceux qui ont la possibilité d'avoir du matériel d'époque, parce que, et puis bon, ne serait-ce que pour l'armement par exemple. En termes de représentation, c'est un peu compliqué, sinon. Après, l'archéologue va vous dire que, moi je le dis, si vous passez sur nos stands, que les vrais objets, leur place, c'est dans les musées. Peu importe, même là, on fait de très beaux facsimilés pour la Première Guerre, la Seconde Guerre, peu importe, voilà. Mais moi, je préfère, voilà, parce qu'on en a discuté entre nous, c'est vrai, il y avait l'image Indiana Jones, on a le fil conducteur de trafic de biens et on se bat contre ça, contre les détectoristes à métaux qui font des dégâts, des ravages, puisque nous c'est pas tant la pratique, enfin même si elle est prohibée, c'est pas ça le souci, ça c'est complètement interdit, mais c'est le fait qu'un objet, les gens quand ils apportent un objet ou qu'ils ont des choses de famille, c'est pas tant l'objet qui est important, c'est d'où ça sort, quoi, c'est le contexte. Est-ce que ça sort d'un site, forcément si on a un objet, c'est que il sort forcément d'un site historique ou archéologique. Après, sur ces dates aussi, moi je dis, vous savez, je vous apprends rien, l'histoire est écrite par les vainqueurs. On a commencé avec le centenaire et encore, ça n'a pas été une grande vague, je trouve, on réécrit l'histoire. On attend toujours, les vainqueurs attendent toujours peut-être, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, la disparition des derniers témoins pour se réapproprier l'histoire et réécrire. La Seconde Guerre, il y a encore des vivants. Moi, j'attends aussi qu'on se réapproprie la guerre d'Algérie, par exemple. Alors, ça mettra du temps, mais on va réécrire l'histoire avec de nouvelles publications, avec de nouvelles recherches. Parce que malheureusement, même si les anciens partent, on n'a peut-être pas enregistré tout le monde, alors qu'on ne profite peut-être pas de tous ces témoins qui ont participé au conflit contemporain. Mais en tout cas, voilà cette démarche et, de réappropriation de l'histoire et comment on fait. Voilà. Juste pour rebondir sur ta question là, sur les pratiques d'histoire vivante, et puis tu l'as dit un petit peu, mais on a des communautés donc, qui fonctionnent par époque. Donc on a les 15e-istes pour le Moyen-Âge, les 13e-istes, les 12e-istes, les méraux, les carreaux, les antiques, etc. Donc on a aussi des communautés pareil, qui naviguent en parallèle et qui se croisent parfois. Voilà. Et puis il y a quand même la part importante dans la reconstitution en fonction des époques du militaire. Et des combats. Et par exemple, tu parlais des Napoléoniens. Les Napoléoniens, par exemple, c'est quasiment essentiellement que du combat. Très quasiment, peu de vie civile. Oui. Alors qu'au Moyen-Âge, tu disais, c'est différent, mais aussi parce qu'il y a cette vie dite civile. On pourrait discuter de cette appellation, mais il y a cette vie dite civile, cette vie de camp qui fait que, bah, oui, on a du quotidien et pas seulement du guerrier ou du militaire. Alors moi, si c'est bon. Elle m'a juste volé la question. J'allais parler des combats parce que vous aviez parlé tous des pratiques mais pas encore du combat, alors que c'est dans l'imaginaire peut-être quelque chose qu'on voit souvent sur la reconstitution, il y aura des bagarres. D'ailleurs, ce qu'on entend là à côté, c'est des gens qui font alors de la bagarre, des plus ou moins des AMHE, mais avec des armes en mousse pour pas se faire mal. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour aussi après la conf si vous avez envie de vous défouler un petit peu après avoir été resté assis une heure. Et donc, alors sur les combats, est-ce que vous pouvez peut-être en dire un peu plus, justement peut-être par rapport aux différentes périodes aussi, ce qu'on peut faire, et parce qu'il y a aussi un imaginaire. On parlait avant de devoir de mémoire. Il y a aussi des fois cette reconstitution de bataille, alors, qui du coup est peut-être pas un combat au sens où on essaye de gagner, mais on sait déjà qui a gagné. Alors le but de la reconstitution dans tout ça, c'est quoi? Parce que par rapport au Béhour, par exemple, c'est non, pardon, ça c'est la blague entre André et moi, mais on n'est pas dans les mêmes. Je vais me permettre de faire plaisir au public. Non, concrètement, sur la plupart des présentations d'animation qu'on va avoir, hormis le médiéval, parce qu'on a des sources véritables de techniques d'escrime justement en lien avec les AMHE maintenant, sur les autres époques, alors je passerai le napoléonien à la Seconde Guerre mondiale parce que c'est du combat autre, mais sur la période antique, faire plaisir au public. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est-à-dire qu'une reconstitution de bataille, c'est pas une reconstitution. De toute façon, quand vous avez 30 personnes qui vont se taper dessus avec des boucliers et des lances avec des gros manchons en mousse au bout, c'est pas du combat en fait. C'est pas de la représentation, c'est juste en fait pour marquer un temps fort sur une journée, pour faire plaisir aux gens, pour il y a un aspect un petit peu spectaculaire parce que c'est ce que le public attend aussi de voir. Ça permet pour ceux qui ont de l'équipement militaire éventuellement de le tester un peu en conditions, on va dire, un peu plus soutenues. Mais véritablement, c'est pas cohérent, déjà parce qu'on n'est pas dans le contexte de la bataille. D'une part, on n'est pas entraîné, on n'a pas les mêmes physiques, on n'a pas les mêmes conditions de combat. Et puis, la différence, c'est que là, vous jouez avec des copains. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeu, quoi. Donc concrètement, c'est véritablement une notion plus de plaisir pour les reconstituteurs plus qu'autre chose que des véritables techniques de travail. Après, il y a des techniques qui peuvent être mises en place dans le cadre du combat, sur les techniques d'escrime même antiques, avec l'usage des différentes armes pour voir un peu leurs fonctions, comment elles peuvent se manier dans une ligne ou autre. Donc là, on est dans l'expérimentation, mais véritablement, quand on se fait affronter deux lignes, par exemple, des Romains et des Celtes, ça fait un entrechoquage de boucliers avec des types qui se tapent dessus, et puis ça fait un gros brouhaha avec des morts partout. Voilà, c'est un peu l'idée. Moi, pour revenir sur les guerriers, tu voulais ajouter quelque chose. Alors, du coup, pour revenir sur les guerriers, moi, je le dis aux personnes qui passent sur notre stand, c'est que pour nos périodes, comme pour les tiennes, quoique tu as déjà plus d'iconographie que nous, nous, on part du monde guerrier. Pourquoi ? Parce que c'est ce monde qui dirigeait ce monde de l'époque. C'est ces guerriers qui nous ont laissé le plus de traces de par les textes. Et c'est eux qui vont marquer aussi leur paysage. Que ce soit pour l'archéologue, là, on a fouillé il n'y a pas si longtemps que ça. Je reviens de fouiller un village gaulois, enfin, entre guillemets, une ferme indigène, comme on dit, mais peu importe, une ferme forte, comme on pourrait dire aujourd'hui. Donc, avec un fossé qui faisait le tour des. Qui faisait le tour des bâtiments, mais ça, c'est pas visible sous nos pieds. Si on va pas la chercher, on la retrouve pas. Or, les guerriers, quand ils meurent, ils font des gros monuments, donc ils marquent leur paysage qui se retrouve encore marqué aujourd'hui, 2000 ans après. On a un oppidum, même si vous savez pas ce que c'est, la ville gauloise, même si on va sur un plateau en hauteur, vous avez une grande butte, une butte de terre. Là, on devine facilement que c'est le rempart qui faisait le tour de la ville. Donc voilà, c'est tous ces gens ou toutes ces, encore une fois, le rempart lié, pas forcément à la guerre, ça peut être aussi ostentatoire, mais en tout cas, c'est ces classes qui nous ont laissé de la place et on va vers les guerriers pour emmener le public vers la vie civile. Les Vosges napoléoniennes font un peu ça aussi, alors je ne suis pas pro-Napoléon, parce qu'il y a aussi la question de la politique, on n'a pas posé, parce que parfois, pour ne pas dire souvent, mais parfois, je préfère dire parfois, les troupes de reconstitution sont aussi orientées. On s'est aperçu que les Gaulois sont d'un tel côté sur l'échiquier politique et ceux qui font les Romains sont d'un autre. Donc voilà, j'abrège, mais étonnant aussi, moi c'est des choses auxquelles j'étais confronté, auxquelles je ne pensais pas forcément, mais si vous avez votre avis, pourquoi pas, on pourra en discuter, mais moi c'est des choses, maintenant je fais ça depuis 2007, alors je ne suis pas un spécialiste de la reconstitution, loin de là, et puis on a tous notre pierre à porter à l'édifice, je profite aussi, on a des bénévoles de l'association qui sont là dans la salle, c'est aussi, comme je dis, moi ils me disent souvent, oui mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne connaît pas les Gaulois ou tout ça, mais on apporte, vous apportez vos connaissances, votre aide. Ils sont là depuis mercredi après-midi. Il y a aussi tout ça. C'est ouvert pour moi à tout ce milieu de l'histoire vivante. il appartient à tout le monde, quoi. Voilà. Bah justement, bah rebondissons là-dessus, comme ça c'est fait. Justement, alors sur cette question politique, est-ce que on est confronté des problèmes ou des oppositions, des débats, qu'est-ce que ça engendre? Alors moi, pour travailler du coup plus sur l'imaginaire viking, et pareil, on en a déjà parlé avec Audrey, c'est vrai que dans les troupes vikings, voilà, on a souvent aussi affaire à des gens qui sont quand même très à droite, voilà, pour le dire gentiment. Est-ce que c'est des choses que vous observez aussi? Enfin, on a tout petit peu parlé, mais quoi ça peut donner lieu? Oui, ça peut donner lieu à des problématiques. Parce que, en fait, quand on parle de devoir de mémoire, hein, c'est, oui. Ça, c'est une question politique aussi. Hein. Bah, c'est sûr qu'un reconstituteur qui va s'orienter pour faire de la Seconde Guerre mondiale côté SS, forcément, on va avoir des problématiques. Hein. On en a tous plus ou moins, je pense, un jour ou l'autre connu, même si en général les groupes font pas long feu. Concrètement, la notion de politique, on l'a tous, on a tous notre petite partie avec notre schéma de pensée. Maintenant, c'est toujours pareil, en fait, qu'est-ce qui est entendable, qu'est-ce que vous voulez entendre ou pas entendre. C'est-à-dire que moi, je discute avec tout le monde, ça ne me dérange pas d'avoir des reconstituteurs, de discuter politique le soir en dehors du campement. Avec des gens qui sont d'extrême gauche ou d'extrême droite, tout s'entend. À partir du moment en fait où après la démarche qui est faite en fonction de la période reconstituée et du discours qui est tenu au public est quant à lui apolitique. C'est-à-dire que ce qui est en fait le bagage de chacun reste, on va dire, entre le matin quand vous vous levez et le soir quand le site ou l'animation en tant que tel est fermé. Ça, c'est du domaine qui est propre à chacun. Maintenant, si vous commencez à faire de la politique, alors dans la reconstitution type scandinave pour le viking, c'est le cas aussi nous pour les germains, on a plutôt des gens qui sont marqués à droite, voire des fois très à droite. Bon, moi, chacun fait comme il veut, du moment que, au niveau du public, ça ne transparaît pas, ni dans la reconstitution, ni dans le discours. Après, c'est du fait de chacun. Chacun y trouve midi à sa porte, mais après, ça peut être effectivement compliqué, des fois, et tendancieux. Oui, ça peut poser souci. Après, il y a des époques, en fait, mais tu l'as dit, hein, l'époque scandinave et l'époque pour les Germains, qui attirent des reconstituteurs de certains bords plus que d'autres époques. Je pense que, en gros, il y a des époques en reconstitution qui sont plus politisées que d'autres. Après, ça ne veut pas dire que tous les gens qui font du germain ou du viking sont d'extrême droite. Attention, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. mais effectivement, ça attire parce qu'il y a cet imaginaire aussi national de la construction de l'identité française, avec Clovis, avec tous les imaginaires qui tournent autour, plus après l'imaginaire, tu l'as dit, viking autour. Voilà. Mais après, je pense que la question politique, elle est en reconstitution comme elle est un peu partout ailleurs. Alors, elle est marquée sur ces époques-là parce que oui, pour ces raisons-là. Après, il ne faut pas oublier aussi que les reconstituteurs, ce sont des communautés, hein, on l'a dit, par époque, et qu'il y a une espèce d'autorégulation. Tu l'as dit, les groupes ne durent pas forcément longtemps. Et en fait, les gens ou les associations qui auraient des propos déplacés se trouvent peu à peu exclus en fait, des manifestations et ne sont plus réinvités. Donc il y a une espèce d'autorégulation en fait, qui se fait, qui exclut plus ou moins en dehors des frontières du groupe. Quoi. Après, sur la question politique, c'est la politique politicienne, voilà, mais il y a aussi la question de la politique, comment on présente l'histoire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les combats, et tu l'as dit, en fait, la plupart du temps, l'histoire vivante, l'archéologie, rentre par le militaire. Et ça, c'est aussi une vision politique de l'histoire. On pourrait très bien rentrer par autrement. On a dit aussi, le public attend ça. Alors oui, c'est sans doute vrai. Mais c'est aussi l'argument de dire, on fait ça parce que le public attend ça. On fait ça parce qu'on se fait plaisir. Les reconstituteurs se font plaisir dans les mêlées, etc. Mais ça aussi, ce sont des choix politiques de présenter l'histoire par le militaire. Et un événement de reconstitution sur lequel il n'y a pas de militaire, il y en a très, très peu. Voire quasiment très peu, pas. Oui, quasiment pas. Uniquement sur du civil, c'est très, très rare, en tout cas. Il y a toujours une partie militaire dans tous les cas qui traîne. Ça conditionne aussi l'imaginaire qu'on a et que les reconstituteurs transmettent du passé. Quand même. J'ai envie de rebondir, mais est-ce qu'on ne ferait pas un événement sur... Parce qu'on a l'image des hommes à la guerre et les femmes, en gros, la vie civile. Quoi. Est-ce que à nous, comme je dis toujours, il ne faut pas voir... Alors moi, j'ai fait en mon parti. Alors pour terminer, aller dans votre sens aussi, les ceux qui font reconstitution pro-romaine, enfin, ou romain, sont plutôt à droite, et les Gaules, les Celtes, un peu plus à gauche. Alors, mais ça, ça s'est dilué avec le temps. Et voilà, en gros, voilà pour terminer sur l'aspect politique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire un autre type d'événement? Nous, il ne faut pas voir aussi la reconstitution pour réinventer les Celtes. Alors, on les connaît un peu plus depuis que l'archéologie préventive existe, hein, depuis 30 ans. Pourquoi ? Parce que les Celtes, avant, on a l'image que vous avez aussi, qu'on a tous, celle qu'on a appris dans les manuels scolaires, on l'a dit entre nous aussi quand on a échangé pour préparer la table ronde, des manuels scolaires. C'est-à-dire que les Gaulois vivaient dans les forêts. Et en fait, l'archéologie préventive nous apprend que quand on fait des grands tracés linéaires, quand on passe avant la construction d'une voie ferrée, d'une autoroute, on a un site important tous les 1,5 km. Et donc des fermes indigènes, comme je dis, alors fermes indigènes pourquoi ? C'est des fermes gauloises entre nous, mais on en a peut-être tous les 2 ou 3 km. Donc ça révèle un paysage autre. On apprend aujourd'hui par l'étude de l'environnement qu'on a plus de forêts aujourd'hui qu'à l'époque, notamment aussi au Moyen-Âge ou autre, mais peu importe. Donc voilà, on a toutes ces images-là. Et puis, il ne faut pas réinventer les Gaulois, comme j'ai dit, ultra modernes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus modernes que nous. Ils n'avaient pas l'électricité, comme je dis. Mais en tout cas, ce n'est pas les barbares sales. Ça, il faut oublier tout ça. En tout cas, ils étaient propres. Les gars, à l'époque, ils étaient grands. La moyenne des hommes, c'était 1m75. Bon, je ne vais pas rentrer dans mon parti là, moi, gaulois. Mais aujourd'hui, c'est 1m75 pour les hommes, 1m73 à l'époque. Mais c'est pour une certaine élite. Et pour revenir, pour terminer sur la place de la femme, je ne dis pas que c'était une société non plus idéale, mais la femme pouvait être l'égale presque de l'homme, enfin, où était, puisqu'on a la princesse de Vix, on a la reine Boudica en Angleterre, qui est la Vercingétorix anglaise. Donc effectivement, voir certains événements ou table ronde, on en parlait, pourquoi pas une table ronde pour mêler, enfin, alors certains l'ont déjà fait, mais la présence d'universitaires avec des reconstituteurs, avec des troupes, et qu'on, pas enterré l'âge de guerre, mais qu'on avance et qu'on mette les synergies ensemble pour aller dans un même sens, partager. Oui, très bien, voilà des bonnes idées d'événements à venir. Alors c'est un peu un début, là, déjà avec la table ronde où on a universitaires, reconstituteurs, archéologues. On ferme peut-être un tout petit moment, peut-être on verra si ça revient dans les questions, la parenthèse politique, parce que j'avais aussi une autre question plus institutionnelle. Donc on a dit tout à l'heure que l'histoire, qui est une discipline qu'on apprend à l'école, l'archéologie, une discipline universitaire, l'histoire vivante, c'est quand même plutôt dans le monde associatif. Alors la question, c'est un peu où est-ce qu'on pratique l'histoire vivante pour, dans quel cadre, puis s'il y a des gens intéressés, peut-être, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui fait ça, où ça se passe? Majoritairement, c'est des associations, en tout cas en France, sur le fonctionnement global. Après, le cadre, comme on a pu en discuter, c'est-à-dire que ça se fait en fonction des groupes d'amis ou de gens qui se rencontrent de toute façon et qui vont adhérer aux associations. La plupart des membres de bureau se font chez les membres présents. Alors après, on a des associations qui ont des membres, enfin qui ont leur siège dans des universités où ça arrive. C'est quand même assez rare à ma connaissance. En France, en tout cas, c'est cantonné dans un cadre uniquement associatif parce qu'on a besoin d'un cadre légal. Dans tous les cas, on a besoin d'assurance, ce genre de choses. Donc, quand on se déplace pour assurer les biens, le matériel, notamment lors des prestations. Et c'est surtout ce cadre-là qui va être retenu, quoi. Voilà. C'est surtout ça. Après, la grande majorité des cas, c'est des groupes d'amis qui décident un jour de se lancer là-dedans. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ou des gens qui sont à l'université qui décident de mettre le pied tout doucement dans le cadre de la reconstitution historique, qui fait que ça va se lancer. Mais c'est des rencontres fortuites la plupart du temps qui font que les gens vont adhérer, dans tous les cas. Moi, pour l'histoire vivante, je retiens cette idée d'événements à faire, et puis tu es à l'université de Lorraine pour certainement avoir ce lieu pour rassembler un peu tout le monde. Pour passer sur l'histoire vivante, comme je disais, il y a aussi une petite différence, c'est que tout ça est en train de changer. Heureusement, moi je le vois, j'étais à la fac de Strasbourg, j'ai commencé en 2006, la reconstitution on l'a fait en 2007, moi j'ai commencé avec les Trimatriki, une grande troupe en Alsace qui font du bon boulot. 2007, je pense qu'on avait... Pour la période gauloise, il y avait Ludovic Moignet, le directeur du parc de Samara, dans la Somme, qui faisait de la reconstitution. Mais voilà, on était pas au balbutiement, Franck Mathieu, au début des années 2000, mais très récent, l'histoire vivante au niveau des Gaulois. Pour revenir sur le volet histoire et, enfin, historien et archéologue, moi j'ai travaillé en Grèce, vous savez que l'archéologie c'est pas que le préventif, hein, l'archéologie, les pays développés comme la France ou comme heureusement bien d'autres pays à travers le monde, on a des écoles d'archéologie à l'étranger. Moi j'ai été à l'école d'Athènes, j'ai été, il y a l'école de Rome aussi, mais peu importe, on va pas faire la liste, mais tout ça pour dire que ces archéologues dans ces écoles sont les héritiers des historiens du 19e siècle, c'est-à-dire que certains, les anciens, qui sont encore là en place, fouillent à l'ancienne. Tout ça est en train de changer le jour où ils seront remplacés, le jour où ils partiront à la retraite. D'autres suivront, et j'ai l'exemple, moi je l'avais noté, de la thèse de Joëlle Roland pour les Gaulois. Donc en 2017, on est à Paris-Nanterre, elle a fait sa thèse sur le vers gaulois, et elle a mis dans sa thèse, elle pousse le vice justement jusqu'au bout, où elle recrée des bracelets, des perles. Je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas une grande marche qui vient d'être franchie là. D'autres, hein, d'autres chercheurs, doctorants, donc c'est les nouvelles générations tout en train de se mettre en place, parce que les historiens ont fait de l'archéologie jusqu'à présent, mais l'archéologie, le domaine, depuis quelques décennies, depuis les fin des années 70, s'est mis en place avec des sciences comme, vous connaissez la plus connue, la datation C14, tout ça, les datations et autres, je ne vais pas rentrer dans les sciences annexes à l'archéologue, mais ou à l'archéologie, se sont mis en place depuis ces dernières décennies, et tout va évoluer, et j'espère que c'est les profs d'université qui oseront mettre le pied dans la porte pour prendre des étudiants, les pousser dans leur retranchement et aller plus loin pour aller aborder des reconstituteurs, aller aborder un tailleur de pierre, un dinandier, ces spécialistes pour mettre à mal les hypothèses qu'on émet depuis des décennies et des décennies, quoi, et qui continuent. Et puis, en citant, je ne t'apprends rien. Quand un étudiant, ce qui est normal, quand tu cites tes sources, tu cites un tel, mais ça ne remet pas en question le travail de nos aînés, quoi. Pouvoir citer des gens qui font de l'histoire vivante, tout comme on citerait un historien. C'est ça ? Voilà, l'histoire vivante, mais Gontran a fait aussi, enfin Gontran parmi d'autres, voilà, ils ont fait aussi des ouvrages qui sont des références, citer et puis mêler ces mondes, il faut et les mêler et qu'on travaille ensemble, quoi. Travailler ensemble, aller aussi vers plus d'institutionnalisation de l'histoire vivante, justement en rapprochant ces disciplines là, ouais. Pour terminer, si tu veux, moi la fac de Strasbourg, à part un prof, en 5 ans, j'ai fait un master, mais peu importe. Il n'y a qu'une seule personne qui est passée de l'INRAP, par exemple, à la fac, tu vois. Moi, je disais, là, on a raté le coche avec les nocturnes de l'histoire, mais moi, je suis plus pour mêler les mondes. Et puis, le lien institut INRAP, peu importe le nom, avec la fac et vice-versa, puisque la plupart des personnes à l'UDRE, c'est des étudiants qui sortent de la fac de Nancy et qui travaillent avec nous. Donc voilà, vers plus d'interventions, des personnes comme Gontran à la fac en intervention, des choses comme ça par exemple, et voire plus, quoi. Ouais. Alors c'est vrai, alors juste pour faire un parallèle, après Audrey je te laisse aussi réagir, c'est vrai que moi qui ai un master en infocom, donc on fait de la communication numérique, en fait c'est des professionnels de la communication numérique qui viennent faire le développement web, qui viennent faire programmation, infographie, etc., c'est pas les enseignants, donc effectivement c'est le même type de schéma finalement, c'est demander à des pros du métier de venir intervenir, dire de quoi ils parlent et puis et apporter leur expérience en fait aussi aux étudiants. Ouais. Audrey, et après une toute petite dernière question, puis il faudra qu'on laisse parler le public aussi. Oui, merci pour la question. Après, je pense que là, tu dis qu'il faudrait qu'il y ait plus croiser les mondes, etc. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que la question de l'histoire vivante à l'université, c'est encore un sujet illégitime. Et ce, quelles que soient les disciplines, c'est-à-dire en archéologie. Alors, on a quelques thèses qui sont soutenues. Il y a aussi celle de Martin Bostal, là, qui a été soutenue il n'y a pas longtemps. Mais ce sont des sujets, alors, y compris en sociologie, ça, je peux vous le dire, mais ce sont des sujets qui ne sont pas considérés comme sérieux, en fait. Et du coup, qui sont considérés comme illégitimes parce que, étudier des gens qui se déguisent, ça va, quoi. Enfin, en gros, c'est le discours qui est tenu. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet effort, mais c'est difficile du côté aussi universitaire de dire, on peut travailler sur des sujets, que ce soit en histoire ou en sociologie, hein, peu importe, ou en archéologie, mais sur des sujets qui paraissent qui sont plus sérieux qu'ils n'y paraissent de prime abord, quoi. Alors, difficile et d'autant plus difficile de remettre en question les gens qui sont en place. Alors, je ne dis pas tout en question, mais voilà, ça prendra encore du temps, changement de génération, de nos pratiques à nous, tous. Mais il faut tendre vers ce mélange des univers. Plus que ça, en fait, c'est comme Audrey le disait, c'est un problème de légitimité en fait au niveau de leur constitution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on n'a pas de diplôme en tant que tel, où on n'a pas fait des études soit d'historien, soit en archéologie, c'est difficile et je peux le comprendre pour un professionnel de dire, bah, je vais m'appuyer sur le travail de cette personne. Mais vous savez pas ce qu'il fait, pourquoi, comment, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime. En fait, la notion de la légitimité, elle est difficile parce que on n'a pas de diplôme. La légitimité, enfin, moi, de mon point de vue, je pense qu'elle ne peut s'imposer que sur la durée du temps de travail qui est fait. Et là, moi, je reviens sur l'archéologie expérimentale avec toi là-dessus, c'est-à-dire sur la reconstitution de facsimilés. On peut pas, en tant que reconstituteur, juste dire, bah voilà, alors le costume, l'habillement, c'est une chose parce qu'on a des représentations, on a une idée, donc on peut s'approcher de canons de beauté d'époque ou de tissus ou autre. On peut avoir un rendu général qui va être cohérent avec ce qu'on va reconstituer. Mais quand on reconstitue, notamment dans le cadre de l'antique, du matériel funéraire, le but, c'est de s'approcher quand même le plus proche possible en fait du matériel pour le mettre à l'épreuve, pour voir comment il se porte au quotidien. Est-ce que c'est métable, est-ce que c'est pas métable. Et en fait, la démarche, la légitimité, elle vient de là, plus que sur le fait de s'amuser à faire des mêlées de combat ou ce genre de choses. C'est vraiment en fait dans le travail sur de longues années, avec en expérimentant, en reconstituant, en allant chercher les meilleurs artisans pour aller reconstituer le matériel, qui fait qu'on va avoir une démarche cohérente, une reconstitution cohérente. Et je pense que c'est à ce moment-là, effectivement, peut-être que archéologue ou historien pourrait prendre en considération un peu plus le phénomène entre guillemets reconstitution dans ce cas-là, quoi. Nous, ça nous est déjà arrivé. Enfin, moi, j'ai déjà fourni plusieurs fois des images de reconstitution qu'on a fait pour le professeur Le Boeck, pour ses ouvrages ou sur d'autres historiens qui vont piocher en fait ces illustrations parce qu'ils ont besoin de visuels. Dans tous les cas, il y a besoin d'un visuel dans les ouvrages, que ce soit d'histoire, d'archéo, pour aller chercher ça. Et c'est là que leur constituteur il est présent, mais il faut que ça soit cohérent, du coup, au niveau de la démarche. Bien, ben merci beaucoup, merci à tous les trois. Alors bon, j'en avais encore deux, trois questions prêtes, mais c'est pas grave, on va ouvrir un peu les questions à la salle aussi. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour cette intervention. Moi, j'avais une question en lien. Alors, vous disiez que l'histoire vivante peut servir l'histoire et inversement, l'histoire, l'archéologie et inversement, l'archéologie nourrit l'histoire vivante. Enfin, les deux travaillent finalement un peu ensemble. Est-ce que pour rendre encore plus vivante d'une certaine façon et pouvoir faire avancer l'un ou l'autre, il y a l'intervention aussi de linguistes, par exemple, parmi les groupes d'histoire vivante, sachant que bah, la langue, même si on n'a pas toujours beaucoup de traces, elle suit les peuples, elle suit les époques, elle suit les mouvements de population et elle peut servir largement l'archéologie et donc l'histoire vivante. Bonne question. Alors, à ma connaissance, des linguistes, j'en ai jamais rencontré en 20 ans en animation, même sur site ou autre, parmi les groupes, j'ai jamais rencontré de linguistes. J'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à la langue et au travail sur la langue. C'est hyper compliqué. Enfin, moi, de mon point de vue, je pense que c'est hyper compliqué, notamment, par exemple, pour des gens qui font du celte. Alors, sur du latin, c'est effectivement, il y a un travail qui commence à se mettre en place. On commence à avoir ça, notamment. On a des reconstituteurs qui font des reconstitutions historiques de l'empereur Adrien. Valerio qui fait ça. Et il fait l'entièreté de ses présentations en latin, latin et italien. Donc le discours est effectivement connu par cœur et voilà, il y a vraiment un vrai travail qui est fait là-dessus. Donc on voit apparaître ces phénomènes-là. Après, pourquoi pas? Why not, hein? Si y a des gens dans la linguistique qui sont intéressés pour intégrer ou pour aider sur ce travail-là, enfin moi je dis banco, hein. En fait, je pense que toute discipline en histoire vivante, on accepte toute discipline dans tous les cas. Et parce qu'il y a plein de domaines de compétences en fait, qu'en tant que reconstituteur, à moins d'être du métier, en fait, on ne maîtrise pas ou on ne connaît pas, hein, dans tous les cas, hein, de toute façon. Pour la langue, moi, je vais prendre le cas de l'archéologue. Pour les Gaulois, alors ça marche pas dans tous les cas, et puis on n'aura pas la réponse, mais on travaille beaucoup sur la toponymie, puisque les noms de lieux conservent l'histoire du lieu en général. Après, de là, remonte aux Gaulois. Alors là, prendre des grosses pincettes. Mais en tout cas, pour revenir, voilà, le travail, ça, on le fait. La langue, alors il existe de très bons dictionnaires maintenant sur la langue gauloise. Voilà, sachant que les Gaulois écrivaient aussi, enfin, mêlaient l'alphabet latin et grec. Donc ils avaient du moins les personnes, les grands aristocrates ou ceux qui étaient, oui, les marchands, voilà. Le latin, il ne faut pas l'oublier, dans les légions romaines, les Romains, vous le savez mieux que moi, il n'y a pas de Romains dans les légions romaines. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas de citadins, on ne veut pas de chochottes, entre guillemets, on veut des gens de la campagne qui n'ont pas peur du froid, bah, comme la plupart des gens ici, qui dorment la nuit ici, pas peur du froid, de la pluie, du soleil ou autre. Pour revenir sur les linguistes, du coup, j'ai envie de vous dire, alors ça c'est mes remarques à moi, mais nos associations, elles évoluent en fonction de nos bénévoles. C'est-à-dire que je n'ai pas de linguiste, mais pourquoi pas ? On aurait pu avoir un atelier langue gauloise, là on ne l'a pas, mais si on a quelqu'un qui, là, bah, je pense au Son of Midgard, disons, quelqu'un qui fait bien la cuisine. Donc la personne, elle est là parce que c'est naturellement, on ne lui a pas dit, bah, tu feras la cuisine aujourd'hui, de telle heure à telle heure, non, il le fait naturellement. Il y en a un qui va chercher du bois, il y en a tout, on se complète. Et c'est en fonction, bah pourquoi pas, s'il y a quelqu'un voilà, qui veut travailler. Moi, je pense que nos stands, ils évoluent comme ça. Il y a quelqu'un qui va tisser, il y a quelqu'un qui va travailler sur le verre, quelqu'un sur la vaisselle en bois. Enfin, je prends des exemples comme ça au hasard, mais c'est en fonction de ça et c'est chacun qui apporte son petit plus parce qu'il est intéressé par ça. Il va pousser les choses un peu plus loin et puis il va faire bénéficier tout le monde. Et voilà, la langue, c'est vrai qu'il faut... Moi, je suis pour le mélange des univers, mais pour l'instant, j'ai pas de linguiste dans ma troupe ou dans l'association, pas courant. Voilà. Mais pourquoi pas, il ne faut pas se limiter. Moi, je suis ouvert à tout. Voilà, il faut mélanger les univers de chacun. Voilà, on a tous à apporter quelque chose. Quoi, voilà. Une réponse très courte. À mon sens, la question de la langue, elle se pose aussi parce qu'on est à la frontière de la matérialité. Et en fait, la langue, on commence à être sur quelque chose que les reconstituteurs ne savent pas forcément reconstituer, tout simplement. En revanche, il y a quand même beaucoup de vocabulaire, de termes techniques qui sont utilisés au quotidien par les reconstituteurs, que ce soit les noms d'armes, les noms techniques des vêtements, les noms des métiers, etc., etc. Donc on a quand même ce vocabulaire qui est là. Alors, c'est pas de la langue parlée, mais ce sont des mots de vocabulaire très technique. Une houle, je pense qu'en dehors de la reconstitution et des historiens et archéologues, personne ne sait ce que c'est qu'une houle, quoi, ce pot pour faire à manger. Voilà. Donc on a quand même ce vocabulaire technique qui est là et qui fait partie aussi de l'identité de la reconstitution, même si c'est pas la langue parlée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Déjà, c'était super intéressant, merci beaucoup. Moi, j'ai une question, alors je ne sais pas comment je vais la formuler, mais en gros, vous parlez de problèmes de légitimes, mais est-ce que l'histoire vivante, finalement, ce n'est pas la grande première phase de médiation culturelle, parce qu'on n'en a pas trop parlé, et justement, est-ce que ça, si ça devait devenir une institution, est-ce que ça ne prendrait pas un poids plus important? Et après, ça revient à toutes les questions de est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est dans la véracité, etc. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question. Alors vous compléterez, mais il me semble que c'est effectivement une activité aussi de médiation culturelle, historique, mais il me semble aussi que c'est un problème typiquement français, c'est-à-dire que dans d'autres pays, notamment en Angleterre ou autre, enfin, l'histoire vivante, le living history, a aucun problème à entrer dans les musées, à entrer dans les écoles, etc., alors qu'en France, c'est très difficile de rentrer dans ces institutions culturelles légitimes. C'est de moins en moins difficile, ça se massifie, on va dire ça comme ça, c'est plus facile d'entrer, mais il y a toujours cette question, est-ce que c'est légitime pour un reconstituteur d'entrer dans une école et de faire un cours dans une école? Mais ça rejoint les questions qu'on avait tout à l'heure, mais ça, il me semble que c'est la manière aussi dont les institutions culturelles françaises sont organisées. C'est ça, oui. C'est une question. Alors, oui, là, en termes d'histoire vivante, bah, oui, on est la première démarche de vulgarisation, voilà, de par participer au patrimoine, au développement du patrimoine. Après, c'est surtout une question financière. Et c'est un point non négligeable, c'est-à-dire que se déplacer, aller sur des sites ou quoi que ce soit, ce qui est présent dans des pays en Europe, on n'a pas du tout le même système de fonctionnement en France parce qu'on est dans un milieu associatif. Donc il y a forcément une question budgétaire qui va se poser à un moment ou à un autre. Donc à partir du moment où il y a un échange déjà financier, il y a déjà des complexités. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, il y a aussi un phénomène qui est simple, c'est que c'est pas assez rentré en fait dans les mœurs en France et que c'est trop cantonné encore à voilà, des types qui se déguisent et compagnie. Maintenant, il faut pas oublier une chose, On en discutait tout à l'heure avec Christophe. On va pas en rajeunissant pour la plupart. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je suis président d'association. Donc, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Le temps avance. Je vois de moins en moins de jeunes comme moi, j'ai commencé ou comme nous, on a commencé dans la reconstitution. Et il faut pas oublier une chose, c'est que s'il n'y a plus de reconstituteurs et qu'il n'y a plus de retraités à la fin en termes de reconstitution, il n'y aura plus de combat, hein, parce que ça va vite être compliqué en déambulateur déjà. Et d'autre part, ça va limiter énormément les sites historiques en France, les musées et autres, dans leur médiation, dans leur travail. Parce que c'est avant tout les reconstituteurs, enfin pas avant tout, parce qu'il y a le travail des bénévoles dans les musées et les professionnels qui travaillent dedans. Mais on va dire que le gros volume de public que peut avoir un site historique ou un musée sur un week-end se fait grâce aux animations et grâce aux reconstituteurs. S'il n'y a plus de reconstituteurs, ce volume d'activité-là va descendre en flèche de manière importante, quoi. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et c'est pour ça, effectivement, que peut-être institutionnaliser ou pousser plus vers la reconstitution, c'est aussi nécessaire en France, parce qu'en fait, la France fonctionne aussi sur ses sites historiques avec ça, en fait. C'est un choix de politique culturelle, en fait. Oui, alors pour aller dans ton sens, effectivement, alors c'est pas uniquement un problème, le bénévolat, c'est pas un problème uniquement des associations de reconstitution, hein, c'est le problème de toutes les associations. Parce que moi, comme je dis, les anciens, quand ils partent, c'est une bibliothèque qui brûle. Et là, malheureusement, le Covid fait qu'on s'est renfermé sur nous-mêmes et puis on est dans nos vies à la con, où on est pris de 6h du matin à 20h le soir, on n'a plus le temps. Alors on a le temps de passer, quand je vois les heures passées sur une tablette, un écran, on arrive à nous dire aujourd'hui que quelqu'un passe 7 ou 8 heures de temps sur un écran, mais on n'a plus le temps de donner 5 minutes aux associations. Là, oui, ça va être la question de toutes les associations. Pour rebondir sur la médiation, alors je voulais voir, tu voyais, mais c'est pas mal, le verre à moitié vide. Moi, je veux le voir à moitié plein, c'est-à-dire que les choses évoluent dans le sens où moi, j'ai fait un master recherche, c'est-à-dire que je le savais, je ne voulais pas faire de thèse derrière, je ne voulais pas devenir docteur en archéologie, parce que moi, c'était le terrain qui m'attirait. Aujourd'hui, il existe des masters professionnels, c'est-à-dire que vous allez licence, master, et pour vous former à un métier. Autre chose qui a évolué aussi, c'est qu'on arrive à voir maintenant des formations en médiation, chose qui n'existait pas il y a quelques années en arrière, même quelques années. Et donc, j'espère un jour qu'il y aura une fac qui osera proposer, pourquoi pas, de la reconstitution. Il y en a, ça arrive. Sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai vu un étudiant soutenir, costumé en soldat de 40, et ça, tant mieux. Mais il faudrait le faire pour toutes les périodes, et ça, les choses changent, évoluent, et pourquoi pas, parce que les médiateurs, pour moi, c'est un vrai poste, c'est un vrai boulot, parce qu'on n'est pas tous faits pour la médiation. On n'est pas tous faits pour la médiation. Il y a des gens qui sont véritablement à leur place. Alors oui, dans les associations, ça c'est sûr, mais qui seraient à leur place dans un musée pour l'animation d'un site, pour des événements, enfin bref, des vrais métiers. Et ça, c'est à voir. Je pense que des médiateurs en... Alors, je ne sais pas où est le terme, en archéologie, en archéo-reconstitution, en histoire vivante. En tout cas, on en aura besoin, on en a besoin. Et de plus en plus, je pense là, la culture a toujours été vue comme un défaut, ou un endroit où on ne met pas de billes. Mais là, le métier, dans les années à venir, oui, il y a du boulot, il y a des métiers, il y a des. C'est des postes qui vont donner du boulot à beaucoup de monde. Je pense et je l'espère en tout cas beaucoup, quoi. Alors, on peut, en termes d'institutionnalisation, on peut remercier le comité d'histoire régionale, quand même, qui organise pour les Imaginales, alors non seulement ces tables rondes, mais aussi qui accueille justement des reconstituteurs et tout ça, parce qu'ils mettent en avant du coup le travail de toutes ces assos et de toutes ces personnes. Voilà, donc merci. Le comité d'histoire régionale. Et voilà, on a le temps. Vianney me dit pour une dernière question, si quelqu'un a une dernière question, une réponse. Avant la question, une remarque, le comité d'histoire régionale, si je me trompe, à la base, c'est le Rhin. Il n'y a pas non plus toutes les régions. Donc voilà, aujourd'hui, on est passé Grand Est aussi. Mais voilà, les choses évoluent aussi et c'est quelque chose d'assez, c'était unique. Moi, je le connais maintenant depuis des années, je le pratique. C'était une fierté d'avoir ça, des personnes passionnées par notre histoire qui ont fait et qui font des choses. Et par toutes les formes de l'histoire. Moi, je pense que c'est important, mais vous l'avez dit, hein, de ne pas cloisonner. Après, je pense que c'est aussi important de savoir quels sont les objectifs, parce que je pense que quand on fait de la reconstitution, on n'a pas forcément envie, dans chaque instant de reconstitution qu'on fait, d'être embarqué dans une question de démarche scientifique ou de crédibilité. C'est-à-dire, c'est pas forcément de chaque instant. Et je pense que ça, on l'a peut-être pas trop dit, mais il y a, Il y a des moments où on veut faire de la médiation, il y a des moments où on veut s'amuser, on fait du divertissement, notamment les rassemblements qui, pour certains, ne sont pas ouverts au public. Il y a aussi des fois le plaisir d'être entre reconstituteurs et pas... Il y a une démarche de médiation quand on fait des événements comme ça. Et les musées, je scindrai dans les institutions culturelles peut-être entre l'université et les musées, parce que les musées, les sites archéologiques, se sont quand même grandement ouverts à la reconstitution, au moins pour animer. Après, qu'est-ce qu'ils en oui, font oui, pour animer, oui, oui. Et on voit aussi pas mal de médiateurs de ces institutions qui sont en costume. De plus en plus, ouais. Et qui utilisent des éléments du costume. Alors, c'est un médiateur, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir 15 médiateurs en même temps qui collectivement vont montrer, mais... Je pense que dans les institutions culturelles, il y a des choses qui sont plus avancées. Après, l'université, c'est peut-être autre chose. Et ça rejoint la question qu'on a peut-être esquissée de l'archéologie expérimentale, là aussi, qui n'est pas complètement aujourd'hui inexistante. On peut penser à Guédelon avec son conseil scientifique. On peut penser aux travaux sur Notre-Dame de Paris, hein, où le groupe Pierre a pu faire aussi des choses avec des artisans d'art. Par contre, il reste une étape difficile, qui est celle de protocole. Parce que si on fait de l'archéologie expérimentale, il y a un moment où il faut un protocole scientifique. Il faut savoir justement quels sont les biais, tu disais, hein, les matériaux, la connaissance qu'on a ou autre. Et ça, je ne sais pas si tous les reconstituteurs ont envie. C'était un peu la question qu'on a avec Florian Renucci, hein, le chef de chantier à Guédelon. C'est très compliqué quand même de documenter chaque étape que l'on est en train de faire. Je suis en train de tisser, je m'interromps pour écrire que à 8h37 j'ai commencé, je note ensuite qu'à 8h46 j'ai été interrompu par un tel. Oui, mais si je veux à la fin pouvoir me dire combien de temps ça prend ça, si je ne note pas en fait les moments où je suis interrompu parce qu'il y a de la médiation ou autre, je ne peux pas le faire. Et donc à Guédelon, hein, ils essayent d'avoir des petites fenêtres de tir où ils observent quand il n'y a pas de public en hiver. Parce qu'en été, quand il y a le public qui est là, en fait, ils ne peuvent pas extrapoler, en tout cas ce type de données-là, ils peuvent extrapoler d'autres choses, mais des données sur le temps, par exemple, que prend telle ou telle tâche, quand on discute et qu'on fait de la médiation, on ne fait pas de l'archéologie expérimentale. Et donc je crois qu'il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait à quel moment, et je crois quand même que dans les universités, notamment avec les plus jeunes générations, il y a de la place pour l'archéologie expérimentale, même si ça ne veut pas dire que tout moment de reconstitution deviendra de l'archéologie expérimentale. En tout cas, comme tu disais, Guédelon, j'y étais encore au mois de juin, là, enfin, l'année dernière, l'été dernier, mais du coup, on a besoin aussi, moi qui fais beaucoup de photos, vous le voyez sur les réseaux autres, mais peu importe, on a besoin de référentiels. Et ça, c'est Maxence Peters, qui est du CARA à Charleville-Mézières, qui demandait justement quel support, est-ce qu'on se filme, est-ce qu'on fait, parce que même si pour nous, il y a des choses qu'on fait naturellement, puis pour d'autres, on va dire, mais attendez, le geste que vous avez fait là, il est hyper intéressant. Donc, filmer nos gestes, prendre des photos, faire des référentiels pour peut-être là, à nous, de dire à la fac, à un moment donné, on a des gigas et des gigas de données, vous en faites ce que vous voulez, faites travailler un étudiant dessus ou pas. Mais voilà, et je pense qu'on a aussi ce besoin-là de référentiel pour... Et aujourd'hui, il y a les outils, on pourrait tout à fait imaginer sur Medial d'avoir une bibliothèque d'archéologie expérimentale, de gestes, etc. Et je pense qu'avec quelques chercheurs qui se penchent dessus, on voit beaucoup quand même dans les labos d'archéologie des gens qui, c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque instant de leur démarche, il n'y a pas encore de gens dont j'irais qui font quasiment que ça, même si on est bien placé en Lorraine. On a eu au laboratoire d'archéologie des métaux quand même Marc Merluzo qui a fait quand même quasiment toute sa carrière avec des phases d'archéologie expérimentale. Donc il y a des choses, mais c'est vrai que ça reste un peu marginal. Je pense qu'on les verra se développer, et la capacité à le communiquer au grand public, parce que c'est ça l'enjeu. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Jérémy Gracio, Gontran Meunier, Audrey Tuaillon de Mézy et Laurent Di Filippo. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.